الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui inshallah c'est le 21e cours. اليوم inshallah هو الدرس الواحد والعشرون. Le 21e cours du même livre, مئة سؤال وجواب في العقيدة, 200 questions et réponses dans la croyance. المسلم يجب عليه أن يعرف العقيدة التي ينتسب إليها ويرجو بها دخول الجنة. Le musulman a pour obligation de connaître la croyance et la foi à laquelle il s'apparente et avec laquelle il espère entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَالْقَلْبُ السَّلِيمُ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ عَقِيدَةً صَحِيحَةً الْقَلْبُ الَّذِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ الْقَلْبُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ عَلَى اللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah a dit dans un verset, le jour où ni l'argent ni les enfants ne seront d'aucune utilité, et la seule chose qui sera utile, c'est de venir à Allah avec un cœur saint, un cœur pur. Et le cœur saint et le cœur pur dont Allah parle dans ce verset, c'est le cœur qui transporte avec lui une croyance correcte, une foi convenable, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé d'avoir. Donc tu vois que tu ne peux pas te passer de la bonne croyance. Parce que si tu n'as pas une bonne aqidah, si tu n'as pas une bonne croyance, Allah tabaraka wa ta'ala ne t'ouvre pas bab al-jannah. بل الذين عندهم عقيدة سيئة الله عز وجل يقول في حقهم لا تفتح لهم أبواب الجنة وقال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله سبحانه وتعالى quand il parle des gens qui ont une mauvaise croyance dans le Coran, il dit qu'il ne leur ouvrira pas les portes du paradis et qu'ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau rentrera dans le chasse de l'aiguille, le trou de l'aiguille. Regarde le chameau comment il est, et prends une aiguille et le petit trou qu'il y a. Les gens qui ont une mauvaise croyance, à cause de laquelle ils adorent autre qu'Allah, ils font du shirk billah subhanahu wa ta'ala, ils entreront au paradis quand le chameau entrera dans le trou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'entreront jamais. Donc si tu entends ça, tu as compris une chose. فهمت أن أهم ما يجب عليك أن تتعلم العقيدة السليمة الصحيحة. Tu as compris que la chose la plus importante, c'est que tu apprennes la bonne croyance que tu dois avoir pour entretenir ton rapport avec Allah, ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on étudie ce livre. Ce livre, il nous parle de l'aqida et il nous enseigne la croyance correcte du musulman avec 200 questions et réponses. Et dans les cours passés, on est en train de parler des piliers de la foi. Arkanul Iman. Combien sont les piliers de la foi? Rapidement, quelqu'un me répond s'il vous plaît. 6. Chacun, il en dit un. Pas en même temps. Le premier. La foi en Allah. Le deuxième. La foi aux anges. Le troisième. La foi au livre. Quatrièmement, les messagers. Cinquièmement, le jour dernier. Sixièmement, le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et nous, on est en train de voir ces piliers de la foi, pilier par pilier, c'est-à-dire un par un, on est en train de détailler qu'est-ce que ça veut dire, l'iman billah, la foi en Allah, la foi au livre. La foi aux anges, la foi aux livres. Et on est en train de terminer le troisième pilier, Al-Iman ou Bil-Kutub, qui est la foi aux livres. On a expliqué dans les cours passés qu'est-ce que veut dire la foi aux livres. Ma'ana Al-Iman ou Bil-Kutub. Et on a expliqué que هو الإيمان بأنها كلام تكلم الله تبارك وتعالى بها حقيقة وهو الوحي الذي أنزله إلى الأنبياء ليقيم الحجة بها به على الناس. On a expliqué que les livres, la foi aux livres, c'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une parole avec laquelle il s'est exprimé réellement. Il a révélé cette parole à des messagers. Ces messagers sont venus avec cette parole apporter aux gens ce dont ils ont besoin et juger chez les gens. Et ils sont venus avec cette parole enlever tout argument possible le jour du jugement dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après l'envoi des prophètes et la révélation des livres, plus personne ne peut se défendre yawm al-qiyamah. Plus personne ne peut dire je ne savais pas yawm al-qiyamah. Donc on a dit que on a expliqué qu'il est obligatoire aux croyants, celui qui croit au livre, de suivre le Coran. Le Coran, c'est le dernier de tous les livres. Le Coran a abrogé les livres qui sont venus avant, c'est-à-dire qu'il a pris leur place et que c'est le dernier de ces livres et qu'il a annulé les livres qui sont venus avant. Et le Coran nous enseigne aussi que les livres d'avant ont été falsifiés. Ils ont été changés par la main de l'homme. Et le Coran, lui, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien se trouve dans le Coran. On n'a plus besoin de regarder dans les autres livres qui sont venus avant. Alaykoum salam. Ensuite, on a expliqué que suivre ittiba' al-kitab, suivre le livre, se divise en deux. Yakunu ala darajatayn. Darajatin wajiba wa darajatin mustahabba. Le fait de suivre le Coran a deux degrés. Le premier degré, c'est l'obligation. Le deuxième, c'est le degré qui est recommandé. Quand on dit l'obligation, c'est-à-dire il y a des choses qui te sont obligatoires. Par exemple, tu dois apprendre par cœur surat al-Fatiha. Ça, c'est une obligation à chaque musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Et le reste du Coran, ce n'est pas une obligation de l'apprendre, mais c'est un khair, c'est recommandé. Et le musulman qui commence, il commence par l'obligation et ensuite il apprend le reste. Et quand il apprend le reste, s'il a une mémoire facile et qu'il peut tout apprendre, et bien alhamdoulilah. Et s'il n'a pas une mémoire facile, c'est difficile pour lui d'apprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend les surahs qui ont des mérites. Les surahs يتعلم يحفظ الصور التي لها فضائل كصورة الإخلاص الفلاق الناس آية الكرسي آخر البقرة آمن الرسول. Il apprend tous ces versets-là qui ont des mérites particuliers. Ensuite, on va arriver, on a aussi expliqué que le Coran, كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق لأن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله وهذه الصفة قائمة بالله عز وجل فإذا ليست مخلوقة. On a expliqué que le Coran n'est pas une créature. Certains pensent que le Coran a été créé, que l'Injil a été créé, que le Torah a été créé. Et ça, c'est un égarement, c'est une chose fausse. Le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah n'est pas créée. La parole d'Allah, c'est ce avec quoi Allah a parlé. Ce avec quoi Allah tabaraka wa ta'ala s'est exprimé. C'est une chose qui vient d'Allah. Allah est le créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on arrive à la question 84. Il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre parce que ça vient avec, c'est en rapport avec des questions qui ont été citées avant. Ceux qui ne comprennent pas, ils comprendront après, Inch'Allah. As-su'al al-rabi'u wa thamanun, hal sifatul kalam dhatiyatun aw fi'liya. Alaykum salam. La question 84 est, est-ce que l'attribut de la parole que Allah a, subhanahu wa ta'ala, Allah a la parole, il parle, subhanahu wa ta'ala. Et dans les cours passés, on a appris que les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala se divisent en deux. Ce qu'on appelle en arabe sifat al-dhatiyya wa hiya kullu sifatin qa'imatin bi dhatillahi azza wa jal allati la tanfaku anha abadan. Ka as-sam' wal-ulu wal-hayah wal-qudra wal-irada. Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal muttasifan bi hadhihi sifat. هذه الصفات تسمى ذاتية لأنها متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. On a appris que les attributs d'Allah Azza wa Jalla se divisent en deux, les attributs d'essence, les attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est toujours et constamment décrit, comme l'ouïe, as-sam', le fait qu'Allah entend. Y a-t-il un moment où Allah n'entend pas? Là. Al-ulu, l'élévation. Y a-t-il un moment où Allah n'est pas au-dessus de ses créatures? Jamais. Al-qudra, la capacité. Est-ce qu'il y a un moment où Allah n'est pas capable? Abadan. Allah est capable tout le temps. Al-irada, la volonté. Allah, il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il ordonne ce qu'il veut. Il interdit ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a un moment où il ne peut pas faire ce qu'il veut? Il n'y a pas un moment où il ne peut pas faire ce qu'il veut. Eh bien, tous ces attributs avec lesquels Allah Azza wa Jal est constamment décrit et qui sont en relation avec son essence, on appelle ça des attributs d'essence. Les deuxièmes types d'attributs, sifat al-fi'liya, hiya sifat al-muta'alliqatu bi mashi'atillah. Fama mata arad fa'alaha wa qama biha. Subhanahu wa ta'ala. Kal khalq yakhluqu mata yasha. Subhanahu wa ta'ala. Wal razq yarzuqu mata yasha. وهذه الكلمة ليست خطأ. الرزق هو الصحيح من صفات الله الرزق. وكذلك on a dit que parmi les noms d'Allah subhanahu ou parmi les attributs d'Allah azza wa jal, les attributs d'action sont des actions qu'Allah fait subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ces attributs, ils sont en relation avec la volonté d'Allah. Quand Allah veut, il les fait. Quand Allah veut, il ne les fait pas. Subhanahu wa ta'ala. Comme la création, comme donner la subsistance, comme at-taswir, al-musawwir, subhanahu wa ta'ala. At-taswir, quand il a créé, il a donné la forme du visage, la forme des jambes, la forme des mains. Toutes ces choses-là sont des choses qu'Allah Azza wa Jalla fait quand il le veut. Wa hiya sifatu allati tatajaddad. تتجدد يفعلها يفعلها تتجدد متعلقة بمشيئة الله عز وجل. C'est des attributs qui sont en relation avec la volonté d'Allah, c'est-à-dire des attributs qu'Allah fait quand il veut subhanahu wa ta'ala. Tous ces attributs sont des attributs d'Allah, mais la différence entre sifat al-dhatiyya al-fi'liyya, les attributs d'essence, et les attributs d'action, c'est que les attributs d'essence, Allah est constamment décrit par ses attributs. Il n'y a pas un moment où on dit qu'Allah n'entend pas. Il n'y a pas un moment où on dit qu'Allah ne voit pas. Il n'y a pas un moment où on dit qu'Allah n'est pas au-dessus de ses créatures. Et les autres attributs, c'est les attributs qu'il fait quand il veut. Celui qui a compris, alhamdoulilah, celui qui n'a pas compris, en fait, c'est un rapport avec les cours qui sont venus avant. Donc, inshallah khair. Al-jawab, amma bi'atibari ta'alluqi sifatil kalami bidatillahi azza wa jal واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. Donc il nous répond en disant que cet attribut, la parole, qui est l'attribut d'Allah Azza wa Jal, d'un côté c'est un attribut d'essence et d'un autre côté c'est également un attribut d'action. Il nous explique que c'est un attribut d'essence, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est constamment décrit par la parole. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de parler quand il le veut, Azza wa Jal. Il n'y a pas un moment où on dit Allah ne parle pas, dans le sens où Allah n'a pas la possibilité ou la capacité de parler. De ce point de vue, on dit que la sifatu al-kalam dhatiya, on dit que l'attribut de la parole est un attribut d'essence. Et de l'autre point de vue, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut et quand il veut, on dit que c'est sifat fi'liya aydan. On dit que c'est aussi un attribut d'action parce que il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, lorsqu'Allah veut faire la révélation ou lorsqu'Allah veut révéler un ordre, lorsqu'Allah veut révéler un ordre, il parle par la révélation, subhanahu wa ta'ala. Idha arad Allah, idha arad Allah an yatakallama takallam, هذا صفة فعل لأنها متعلقة بإرادته عز وجل. Donc lorsqu'Allah veut parler, il parle. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا. Pour cela, les pieux prédécesseurs ont dit que l'attribut de la parole est un attribut d'un point de vue, attribut d'essence, et d'un autre point de vue, un attribut d'action. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يعه من يشاء وكلامه صفة لا غاية له ولا انتهاء. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Ensuite il nous dit, toujours dans la réponse à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala est constamment décrit par la parole. Est constamment décrit par la parole. Depuis toujours. Et à l'infini. Et il parle quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il parle comme il veut. Il dit ce qu'il veut. Et il dit quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il s'exprime avec une parole qu'il fait entendre qui il veut. Azza wa jal. Et l'attribut de la parole d'Allah Azza wa Jal n'a pas de limite. Kalimatullah Azza wa Jal ou sifatul kalam la ghayata lahu la yantahi. Hada mushkila. Kayf la yantahi? Allah Azza, le Cheikh ici nous dit que la parole d'Allah Azza wa Jal ne s'arrête pas et n'a pas de limite. Ma huwa akhiru kalamillah Azza wa Jal? ما هو آخر ما أوحى الله إلى الناس؟ هو القرآن. هل بعد القرآن كتاب ينزله الله عز وجل؟ إذن انتهى. كيف يقول كلمة الله لا انتهاء لها؟ Ici le Cheikh il nous dit que les paroles d'Allah n'ont pas de limite. Attends, les paroles d'Allah عز وجل n'ont pas de limite. D'accord? Elles n'ont pas de fin. Elles ne s'arrêtent pas. Quelle est la dernière parole qu'Allah a révélée? Le Coran. Est-ce qu'Allah va révéler après le Coran un autre livre? La révélation est arrêtée. Comme a dit le Sahabiya, Abki fi rouhi bil ma'na, li anna al-wahya qad inqata'a min as-sama. Elle a dit, une femme d'un compagnon a dit, je pleure parce que la révélation s'est arrêtée de descendre du ciel. Il n'y a plus de révélation. Pourtant ici, il nous dit que les paroles d'Allah n'ont pas de fin et ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le frère a dit que le sens de ça, c'est que nous, comme on le récite tout le temps, donc on n'arrête pas de le réciter. C'est vrai, mais ce n'est pas la réponse à cette question. C'est parce que le Coran il décrit des choses qui sont à venir, qui ne sont pas encore venues. Le frère a dit parce que le Coran il nous parle de choses qui vont arriver. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse à la question. Hein? présents. Parce que ils sont toujours présents. Quoi? Jusqu'à la fin du monde, d'accord. De quoi? Non, c'est pas ça. Quelqu'un a une réponse ou pas? Hassan. Il y en a sifa datiya. Allah est mutasifan biha. يعني قادر على الكلام في أي وقت حتى ولو فعليا ليس لن يوحي بهذا هذه من جهة ومن جهة أيضا يوم القيامة الله سوف يتكلم مع العباد. Le frère a dit que l'attribut de la parole, Allah Azza wa Jal, il parle quand il veut, et que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va parler, et aussi qu'il parle quand il veut. Il s'est rapproché de la réponse. تقربت من الجواب عن الكريم صفات ذاتية لله عز وجل لا بد أن الله يعمر بأوامر أمر بأوامر يتكلم بها. طيب اصبر أنت عندك الجواب. عبد الكريم il a dit parce que c'est un attribut de d'essence, et comme Allah عز وجل ne meurt pas, ou al-hayyuladi la yamut, c'est le vivant qui ne meurt pas, eh bien, comme il parle, il ne meurt pas, azza wa jal, on dit que c'est la réponse qu'il donne, mais c'est pas la réponse à la question. Je repose la question, attends, le frère, il a la réponse. Je remets la question pour bien recadrer. On est en train de parler de la parole d'Allah, al-kalam. Et on est en train de dire que le Cheikh Hafiz Ibn Ali Al-Hakami Al-Allama Rahimahullah Azza wa Jal, qu'Allah le fasse miséricorde et le fasse entrer au paradis, a dit que la parole d'Allah n'a pas de fin et ne s'arrête pas. C'est-à-dire Allah il va continuer à parler. C'est ça que ça veut dire. Mais nous on sait que la dernière parole qu'Allah a révélée c'est le Coran. Donc ça pose problème pour celui qui ne va pas comprendre. Tous les frères ont essayé de me donner une réponse. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse à la question. Là, la réponse à la question, c'est Mohammed qui me l'a donné. Anna Allah Azza wa Jal, idha arada an yatakallama bil amri, takallam. Idha arada an yakul Zayd yuladu radan, wa Ubaid yamutu radan. Hada kalam yati min Allah Azza wa Jal, yukhatibu bihi al malaika. Allah Azza wa Jal parle quand il veut, quand il parle de ce qui va se passer demain. Il dit dans le Coran, kulla yawmin huwa fi sha'n. Qala al-ulama, kulla yawm yaf'alu shay, ya'muru bi shay, yanha an shay, yuqaddiru shay'an, wa hakadha. Chaque jour, Allah Azza wa Jal fait quelque chose. Il donne un ordre, il dit aux gens ce qui va se passer, etc. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal veut qu'une personne qui s'appelle Zayd va naître demain, il dit, demain, Zayd va naître. Et ça, c'est une parole qui vient d'Allah. À qui il s'adresse avec cette parole? Aux anges qui sont auprès de lui. Lorsqu'Allah veut qu'une personne qui s'appelle Ubaid meure demain, Allah va dire aux anges qui sont auprès de lui, Ubaid meure demain. فَلَا بُدَّ أَن تَفْهَمْ أَنَّ كَلِمَاتِ اللَّهِ تَكُونُ عَلَى قِسْمَيْنِ كَلِمَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الشَّرْعِيَّةِ وَكَلِمَاتِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ. كلمات الله عز وجل الشرعية هي الكتب التي أنزلها الله هي انتهت. أما كلمات الله عز وجل الكونية هي التي يكون، وهي قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا كل يوم إذا أراد الله عز وجل شيئا يقول له كن فيكون. فالكلمات الشرعية انتهت وحي إنزال الكتب، والكلمات الكونية الله يخبر الملائكة بما سيحصل غدا هذا لا تنتهي. هذا هو المفهوم أو الفهم الصحيح. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala se divisent en deux: les paroles législatives et les paroles universelles. C'est pas bien comme il faut comme traduction, mais c'est le problème de la traduction. Les paroles de législatives, c'est les paroles qu'Allah révèle, et c'est les livres qu'Allah a révélés, les livres dans lesquels il y a la loi d'Allah, la législation d'Allah, l'Injil, la Torah, le Coran, le Zabur et les autres livres. Ces paroles là elles sont arrêtées avec le Coran. Allah Azza wa Jal ne parlera plus de législation après le Coran. Parce que dans le Coran, il y a tous les ordres et interdits qui sont bons jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Ces paroles-là, ce type de paroles-là, qui sont les paroles d'Allah, sont arrêtées. Allah ne donne plus d'ordres et interdits, tout est donné dans le Coran. Les autres paroles qui ne sont pas arrêtées, c'est les paroles dans lesquelles Allah dit aux gens ce qui se passe demain, ce qui se passe après-demain, qu'est-ce qui va naître, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les paroles dans lesquelles Allah donne des ordres à ses anges. Ces kalimates-là, ces paroles-là, elles ne s'arrêtent jamais. Subhanahu wa ta'ala. Et il a pris pour preuve la parole d'Allah dans surat Al-Kahf et la deuxième dans surat Luqman. Dans la première, Allah a dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Allah Azza wa Jal dans ce verset, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à ces gens-là, si le bahr, si la mer, l'océan était de l'encre avec laquelle on écrit les paroles d'Allah, les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit chaque jour, si tout l'océan était de l'encre pour écrire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on écrivait avec tout l'océan, on essayait d'écrire tout ce qu'Allah azza wa jalla dit chaque jour, eh bien la mer, elle va se vider et les paroles d'Allah ne seraient jamais épuisées. Même si après on ramenait encore, pour renforcer ça, la même quantité, un autre océan encore. Et si toute l'eau de la terre là, on s'en servait, c'est-à-dire que si toute l'eau de la terre était de l'encre pour écrire les paroles d'Allah Azza wa Jal, l'océan va s'épuiser et les paroles d'Allah ne s'épuisent pas, même si on ramène la même chose encore avec. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, hada wadih, c'est clair? Wadih, c'est clair? C'est clair? Muhammad, c'est clair? Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله ici dans le verset il dit, ومعنى هذه الآية لو قدر أن جميع أشجار الدنيا أقلام وأن جميع وأن البحر وزيادة سبعة أبحر مداد لا تنفد كلمات الله الأقلام والمداد تنفد وكلمة الله تبارك وتعالى لا تنفد. الله عز وجل dit, si les arbres, combien même les arbres qui sont sur terre, c'est-à-dire tous les arbres qui sont sur terre, seraient des plumes pour écrire, et que l'océan tout entier, plus cet océan encore, serait de l'encre pour écrire les paroles d'Allah. Donc imaginez-vous bien, parce que si Allah Azza wa Jalla nous dit ça, les frères, c'est pas pour rien. C'est pour que tu comprennes quelque chose. حتى تفهم أن صفات الله عز وجل صفات عظيمة جدا. هذا يوري إذا فهمت هذا يورث في قلبك تعظيم الله عز وجل. Et des informations comme celle-ci qu'Allah nous donne, le but, c'est que tu comprennes la grandeur d'Allah et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où si tous les arbres de la terre étaient des plumes pour écrire les paroles d'Allah, et si tout l'océan de la terre, et avec ça, sept océans, ça fait combien? Huit océans. C'est-à-dire que s'il y avait huit fois l'eau de la terre, plus tous les arbres de la terre, l'eau c'est les ancres, et les arbres sont les plumes, et bien ces plumes et ces encres vont s'épuiser et les paroles d'Allah ne s'arrêteront pas. Subhanahu wa ta'ala. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Tabaraka wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Chaque jour Allah Azza wa Jal fait quelque chose. Kulla yawmin ya'muru bi shay. Allah Azza wa Jal a dit dans surat Saba, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, et lorsque la peur est enlevée de leur cœur, ils disent, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils répondent, il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, le très grand. تفسير هذه الآية جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمعنى معنى الحديث أن الله عز وجل إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا سمعت الملائكة أمر الله عز وجل وقعت مغشيا عليها، ثم إذا فزع عن قلوبهم أي إذا نزع الله الخوف من قلوبهم وقاموا تساءلوا فيما بينهم ماذا قال ربكم مما سيكون غدا، ويجيب ويتجاوبون فيما بينهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. L'explication de ce verset a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, lorsqu'Allah veut révéler un ordre, il parle avec la révélation. C'est-à-dire il s'adresse aux anges pour leur dire ce qu'il va se passer, ce qu'il va avoir. Et lorsque les anges entendent la parole d'Allah azza wa jal, le prophète alayhi wa sallam a dit, في الحديث أن الملائكة إذا سمعت الله عز وجل كأنها سلسلة على صفوان. Le bruit que ça fait dans leurs oreilles, tellement qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait comme une chaîne qu'on utilise pour frapper un rocher. Vous voyez à peu près qu'est-ce que le bruit que ça fait, les anneaux de la chaîne quand on tape une pierre avec. Quand Allah azza wa jal parle aux malaïka, aux anges, pour leur dire ce qui va se passer demain et après-demain, lorsqu'ils entendent ça, ça leur fait cet effet. Ils tombent, ils s'évanouissent. Ensuite Allah enlève, ils par peur d'Allah. Ensuite Allah enlève la peur de leur cœur, ils se réveillent. Et ils se parlent entre eux. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Et ils se répondent entre eux, il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah a dit « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » مَا مَعْنَا صِدْقًا وَعَدْلًا؟ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ. الله عز وجل كلماته صادقة في أخبارها وعادلة في أحكامها. الله عز وجل a dit « Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie véridiquement et avec l'équité, c'est-à-dire avec la justice. Personne ne peut changer ses paroles. C'est lui qui entend tout et c'est tout. Subhanahu wa ta'ala. Quand Allah nous dit véridiquement et dans la justice, Allah nous dit que dans toutes ses paroles, il y a la vérité. Rien parmi les informations qui viennent d'Allah n'est faux. Tout ce qu'Allah nous donne comme information, c'est la vérité. Lorsqu'Allah nous parle de ce qui va se passer, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, c'est la vérité. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de quoi que ce soit, on doit y croire, c'est la vérité. Et justice dans les ordres et dans les interdits. Dans les règles qu'Allah a instaurées, il n'y a que de la justice. Ensuite, on va sauter la question 85 et 86. Parce que j'ai peur que ce soit trop compliqué pour vous. Premièrement, j'ai peur que ce soit trop compliqué pour vous. Et deuxièmement, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous allez trop réfléchir, ça va être trop compliqué. Et comme je vais peut-être mal vous l'expliquer, je préfère sauter directement et arriver à la question As-Sabi' wa Thamanoun, la question 87. La question 87, on va maintenant passer au quatrième pilier de la foi. الآن ننتقل إلى الركن الرابع من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالرسل qui est le pilier de, le quatrième pilier de la foi, la croyance au messager. قال رحمه الله ما دليل الإيمان بالرسل. Premièrement il dit quelle est la preuve qui nous montre qu'on doit avoir la foi au messager. وأنتم تلاحظون دائما يبدأ الأسئلة بما دليل كذا ما دليل كذا حتى قبل أن يعرفك ما هو الإيمان بالرسل وأن يأتي بفهم الإيمان بالرسل لابد أن تؤمن بشيء على دليل. لا نؤمن بالجهل، نؤمن بشيء على علم، وهذا العلم يربي الناس ويربي المسلمين على أن يتعلموا قبل أن يعتقدوا. donc ici il nous dit quelle est la preuve que le croyant doit croire au messager. Avant même de nous expliquer qu'est-ce que veut dire la foi au messager et qu'est-ce que c'est, la première question qu'il met, et c'est comme ça qu'il le fait dans l'ensemble des piliers, quelle est la preuve qu'on doit croire? Pourquoi? Parce qu'avant de connaître la chose, tu dois savoir, est-ce que tu dois croire tout ce à quoi tu dois croire, tu y crois parce qu'on t'a demandé d'y croire. Tu crois pas parce que tu as réfléchi et tu as conclu que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. Donc, tu dois croire avec preuve. Et après, tu dois comprendre aussi avec preuve. Et avant de croire, il faut savoir est-ce qu'on est obligé de croire à ça ou pas. C'est pour ça que lui, il te ramène ça en premier. Et il dit, dans la réponse, « Al-Jawab, adillatuhu kathiratun min al-kitab wa sunnah, minha qawluhu ta'ala, inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi. » ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم سورة النساء وقال كما في البخاري ومسلم عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسوله. Donc la réponse à cette question, il nous dit les preuves sont nombreuses. Les preuves qui nous montrent qu'on doit avoir la foi au messager, elles sont nombreuses. Et parmi celles-ci, la parole d'Allah dans sourate An-Nisa, Allah a dit certes, ceux qui ont mécru en Allah et en ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains des messagers et nous mécroyons en certains et veulent prendre un chemin dans cette voie, voici ceux-là sont les véritables mécréants. Et Allah leur a préparé un châtiment humiliant. Quant à ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers et qui n'ont fait de distinction entre personne, parmi les messagers, ils n'ont pas fait de différence entre les prophètes. C'est-à-dire, ils ont cru que tous les prophètes ont été envoyés par Allah. Azza wa Jal, ceux-là, Allah leur donnera leur récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je crois en Allah et en ses messagers. Donc ça, c'est des preuves qui nous montrent qu'on a l'obligation de croire aux messagers qu'Allah Azza wa Jal a envoyés. أو الإيمان بالرسل la croyance au messager par rapport aux gens se divise en trois أو الناس الذين يؤمنون بالرسل ينقسمون على ثلاثة أقسام les gens qui croient ou qui croient pas الذين يؤمنون أو لا يؤمنون se divise en trois parties الذين يؤمنون بجميع الرسل وهؤلاء هم المؤمنون حقا. Et premièrement, ceux qui croient à tous les prophètes, ceux-là sont les vrais croyants. Deuxièmement, الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هؤلاء هم الكافرون حقا والذين لا يؤمنون بأحد منهم هؤلاء هم الملحدون الكافرون. فالمؤمنون هم الذين يؤمنون بجميع الرسل. Donc les croyants sont ceux qui croient à l'ensemble des prophètes. Quant à ceux qui croient à certains et mécroient à d'autres, ils ne sont pas croyants, ils sont mécréants. Et ceux qui ne croient à aucun, ils sont athées, ils sont aussi mécréants. السؤال الثامن والثمانون ما معنى الإيمان بالرسول. Question 88 maintenant. Qu'est-ce que la foi au prophète? Qu'est-ce que la foi au prophète? الجواب هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين. La réponse, la croyance au prophète est le fait d'avoir pour conviction sans le moindre doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque communauté un messager. Un messager qui vient de la communauté dans laquelle il a été envoyé. Et que le but de ces messagers est d'appeler les gens à tawhid, à ibadatullah wahdahu la sharika lah, au monothéisme, à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associer, et à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et nous devons aussi croire que tous les prophètes sont véridiques, et que les croyants croient à tous les prophètes, qu'ils sont bons, ils sont dans le droit chemin, ils sont généreux, ils sont nobles, ils sont purs, ils sont pieux, dignes de confiance, ils sont bien guidés et guident les gens vers le droit chemin. Ils sont venus avec des preuves claires venant d'Allah pour montrer le chemin qu'il faut suivre. Ils n'ont rien caché de leur message. Et ça, c'est très important. Parce que parmi les gens, il y en a qui disent que le prophète alayhi salam n'a pas tout ramené. Wal'iyadu billah. Ils disent que le prophète a caché certaines choses. Ils disent que le prophète a caché certaines choses et qu'il n'y a que leur shir qui sait. Wa'adha fi roulat et sofiya. Hein? Wa shi'a aïvan. Wa ghayrihim. Parmi les soufis et les shi'a, qui sont des voix égarées, ils ont cette croyance-là. Les prophètes n'ont rien caché du message qu'Allah leur a demandé de transmettre. Ils n'ont rien changé. De la même manière, ils n'ont rien ajouté, ne serait-ce qu'une lettre. Leur message est comme Allah a dit dans le verset, est-ce que les prophètes, je vais mal le traduire, mais c'est ça le ma'na, le sens du verset, c'est que le seul travail des prophètes est de transmettre le message. Ils ne sont pas venus ramener quelque chose d'eux-mêmes, ils ne sont pas venus inventer, ils sont venus que pour transmettre ce qu'Allah leur a ordonné de transmettre. Et que, alaykoum salam, tous les prophètes sont sur la vérité. Et le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna Allah attakhadha Ibrahim khalila, wa attakhadha Muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khalila, wa kallama Musa taklima, wa rafa'a Idrisa makanan aliyya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minh, wa anna Allah faddala ba'dahum ala ba'd, wa rafa'a ba'dahum darajat. Donc dans la fin de cette réponse, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme ami, de même qu'il a pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ami. Il s'est adressé directement à Moussa. Il a parlé à Moussa sans l'intermédiaire de Djibril, contrairement à sa manière de s'adresser avec les autres prophètes. Il a élevé Idris, le prophète Idris alayhi salam, dans un haut rang. Et le fait, nous devons aussi croire que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Et il est le mot qu'Allah a insufflé. Même ala Isa kalimatullah alqaha ila Maryam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Isa est le mot qu'Allah a insufflé à Maryam. Non. Hada huwa barakallahu fik. Kalimatullah alqaha ila Maryam عندما قال كن فكان عيسى في بطن مريم. Donc quand on dit que Isa est la parole d'Allah insufflée à Maryam, c'est quand Allah a dit kun, soit, pour que Isa soit dans le ventre de Maryam. Wa ruhun min. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préféré les prophètes à d'autres. Kam dhakara Allah azza wa jalla min nabiyyin fil Qur'an. Combien de prophètes Allah azza wa jalla a mentionné dans le Qur'an? Hein? Qui a dit 23? Des proches. 25. L'imam Ibn Kathir rahimahullah, dans l'explication de wa rusulan qad qasasna hum alayk wa rusulan lam naqsus hum alayk, dans ce verset là où Allah dit il y a des prophètes dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire, Ibn Kathir rahimahullah il ramène 25 noms des prophètes. 18 منهم في سورة الأنعام وسبعة في سور مختلفة. 18 ont été cités dans sourate al-An'am et 7 dans d'autres sourates différentes. السؤال التاسع والثمانون. La question 89. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ La question 89. Est-ce que le prêche de tous les prophètes est le même dans les ordres qu'ils ont donnés et dans les interdits qu'ils ont donnés? Non. Vous répondez non. الجواب الجواب اتفقت دعوته من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادات اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا دونك من جهة اتفقت ومن جهة أخرى اختلفت دونك d'un côté le prêche des prophètes est le même et d'un autre côté il est différent. Quand on dit qu'il est le même, c'est-à-dire dans la base pour laquelle les prophètes ont été envoyés, c'est la même chose. Tous les prophètes ont été envoyés pour appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. C'est le même message. Le message de tous les prophètes, du premier qui est Nuh alayhi salam jusqu'au dernier Muhammad sallallahu alayhi salam, كلهم قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عليكم السلام ورحمة الله. Ils sont tous venus dire à leur peuple, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui qui mérite l'adoration. Donc de ce point de vue-là, le prêche des prophètes c'est le même. Maintenant, la chose dans laquelle ils peuvent être différents, c'est leur manière de pratiquer les ordres et les interdits d'Allah. C'est pour ça que chez un prophète, tu vas trouver, il y a 5 prières, comme chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et chez un autre prophète, il n'y a que salat al-asr, il n'y a que la prière du asr. Chez un prophète, il y a des choses à faire qui sont permises, et chez l'autre prophète, ces mêmes choses sont interdites. Mais lorsque les prophètes mettent en pratique toutes ces choses, à la fin, c'est pour le même but, n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit que la différence qu'il y a dans le halal et le haram chez tous les prophètes, c'est pour éprouver les peuples qui ont suivi les prophètes. Allah a dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin qu'il vous éprouve et voit lequel d'entre vous va être le meilleur en œuvre. Va être le meilleur en œuvre. 10 minutes. As-su'al at-tis'un, question 90. ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ Question 90. Quelle est la preuve qui nous indique que le prêche des prophètes est le même? C'est un prêche qui est concentré sur l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné dans la question précédente. La réponse. هل من جواب؟ Est-ce que quelqu'un a une réponse? دليل على أن الأنبياء كلهم بعثهم الله عز وجل لعبادة الله وحده لا شريك له. شيخ ملكي. لا هذا صحيح لكن أنا أريد عبادة في سورة الأنبياء وما أرسل من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون فاعبدون جزاك الله خيرا. Et donc il a cité un verset et on va le lire ici ce verset dans lequel Allah nous dit qu'il n'a pas envoyé un prophète sans lui donner l'ordre d'ordonner les gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. الجواب الدليل على ذلك من الكتاب والسنة على نوعين مجمل ومفصل. Les preuves de cela sont de deux manières, les preuves globales et les preuves détaillées. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Parmi les preuves globales, Allah dit dans le verset, nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah. Wa qawluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah a dit dans le verset que le frère a cité, et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui révéler cette parole, nulle divinité à part moi ne mérite l'adoration, adorez-moi donc. Wa qawlihi ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأما المفصل quant aux preuves détaillées, فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني. وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. Donc il nous a cité beaucoup de versets et après il nous dit qu'il en a plus encore. Dans tous ces versets, Allah nous montre en détail que chaque prophète a dit à son peuple n'adorez qu'Allah et écartez-vous de l'adoration d'autre qu'Allah. Dans un verset, Allah dit et nous avons envoyé Nuh à son peuple afin qu'il leur dise ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui qui mérite l'adoration. Allah dit aussi alaykum salam. Et au peuple de Thamoud, nous leur envoyâmes leur frère Saleh pour qu'ils leur disent ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité autre que lui méritant l'adoration. Allah dit aussi et au peuple de Ad, nous envoyâmes leur frère Hud qui leur a dit ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité autre que lui qui mérite l'adoration. Allah a aussi dit et à la tribu de Madian, nous envoyâmes leur frère Shu'aib pour leur dire ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité ne méritant l'adoration sauf lui. Allah Azza wa Jal a dit en parlant d'Ibrahim, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé. Et lorsque dans un autre verset Allah dit en parlant de Moussa qui a dit à son peuple, votre divinité n'est qu'Allah, celui qui en dehors duquel il n'y a pas de divinité méritant l'adoration, sa science a englobé toute chose. Allah Azza wa Jalla dit aussi au sujet de Isa et le Messie Isa, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, a dit ô vous les enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Certes, celui qui associe à Allah quoi que ce soit, Allah lui rendra interdit le paradis et fera de sa demeure l'enfer. Également, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit je ne suis qu'un avertisseur. Je ne suis pour vous qu'un avertisseur. Et vous n'avez pas d'autre divinité méritant l'adoration sauf Allah, l'unique, le dominateur suprême. Subhanahu wa ta'ala. تبين من هذا أن دعوة الأنبياء دعوة واحدة دعوة مركزة على تعلق القلوب بالله عز وجل على أن لا يدعو الإنسان إلا الله لا يتوكل إلا على الله لا يستغيث إلا بالله إذا رجا رحمة الله إذا خاف من عذاب الله إذا أحب الله عز وجل فوق كل المحاب هذا هو التوحيد الخالص. Donc on vient de voir que tous les prophètes ont été envoyés avec le même prêche. Ils ont tous été envoyés pour appeler les gens à n'adorer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. L'islam pur, la pure soumission à Allah, la soumission du cœur. Les prophètes, toute leur vie, ont passé leur temps, leurs jours, ont donné leur santé, ont donné leur argent pour que les gens reviennent à Allah et ne l'adorent que seul, sans associé, subhanahu wa ta'ala. As-su'al al-wahid wa tis'oun, ma dalil ukhtilafi shara'i'ihim fi furu'iha min al-halal wa al-haram. Question numéro 91. Maintenant, quelle est la preuve que les législations des prophètes sont différentes les unes des autres? Le halal et le haram du prophète ou des prophètes sont différents entre eux. les règles sont différentes. Le but est le même, mais les règles sont différentes. Quelle est la preuve ? Le jawab. قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. ومثل ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. هؤلاء مفسرون معروفون. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc maintenant il nous amène les preuves que les règles des prophètes sont différentes en fonction de ce qu'Allah a choisi et a voulu. Allah Azza wa Jal dit dans un verset dans Sourate Al-Ma'ida, à chacun nous avons donné une législation et une méthodologie, c'est-à-dire à chacun nous avons donné un livre et une voie à suivre. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit dans l'explication de ce verset, c'est-à-dire à chacun nous avons, c'est-à-dire à chaque communauté vers laquelle a été envoyé un prophète, ou plutôt à chaque prophète qui a été envoyé vers la communauté, nous avons donné une voie à suivre, ce qu'on appelle la sunna, et des règles à respecter. Des règles à respecter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, nous sommes, nous les prophètes, قبل هذا ما معنى إخوة لعلات. Nabi alayhi wa sallam قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. في حديث آخر الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم المعنى أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. معنى هذا نحن معاشر الأنبياء زدنا الريبونس نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أي أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة. معنى هذا أن ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. ويقال إخوة لعلات للإخوان الذين عندهم نفس الأب وعندهم أمهات مختلفة. المقصود من هذا أن جميع الأنبياء عندهم دين واحد وهو الإسلام، أما الشرائع الحلال والحرام فمختلفة فيما بينهم. Le prophète alayhi salam dit nous sommes nous les prophètes des frères de plusieurs mères et notre religion est unique. Quand il dit des frères de plusieurs mères, il veut dire par là que nous avons tous la même religion qui est l'islam, la soumission à Allah, et la manière de pratiquer dans ce qui est halal et haram est différente d'un prophète à une autre. Et pour faire comprendre ça, il a dit que c'est comme si que il y a plusieurs frères du même père mais de mères différentes. Eh bien les prophètes, ils ont la même religion, mais ils ont des législations différentes. Et lorsqu'il nous dit ça, le prophète alayhi salam, il veut dire par là que tous les prophètes ont été envoyés avec le monothéisme pur, avec l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux interdits et aux obligations, ils sont différents en fonction de ce qu'Allah azza wa jalla a choisi. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويرزقنا العمل الصالح وحسن النية ويغفر لنا الذنوب ويدخلنا الجنة وارحمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر